Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, eh bien voilà une nouvelle émission de Racine de moins 1 et je vous propose aujourd'hui d'écouter Sarah Angeli Aguiton, sociologue, et elle a consacré sa thèse à l'étude de l'émergence de la biologie de synthèse en France et aux États-Unis ces dernières décennies. Voilà, elle a suivi les politiques de développement et de régulation qui illustrent les formes actuelles de l'innovation dans le domaine des biotechnologies et ça l'amène à critiquer la machine participative dans laquelle elle voit une forme actuelle de la fabrique du consentement au progrès. Voilà, je lis une petite présentation qu'elle a rédigée pour cette conférence qui a été enregistrée à l'Université populaire de Toulouse en octobre 2015. Alors que les liens entre désastres écologiques et agir technique humain sont tous les jours plus documentés, les technologies émergentes, comme la biologie de synthèse, trouvent dans la crise environnementale une nouvelle source de justification. Agrocarburants, agriculture climato-intelligente, nouvelles techniques de dépollution se présentent comme des technologies de réconciliation entre le développement industriel intensif et les préoccupations écologiques. Dans les faits, il n'en est rien, c'est même plutôt à une tentative d'intensification de la logique productiviste à laquelle on assiste. Voilà donc tout de suite ce petit exposé sur la biologie de synthèse qui est lui-même assez synthétique. Et après, eh bien, j'ajouterai quelques précisions sur les mouvements de contestation par lesquels Sarah Angeli Aguiton termine sa conférence. Je m'appelle donc Sarah Angeli Aguiton, je suis sociologue des sciences et je vais vous parler des recherches que j'ai pu mener pour mon doctorat. Recherche qui portait sur les politiques des risques autour d'une nouvelle biotechnologie qui s'appelle la biologie synthétique ou biologie de synthèse. Alors mon sujet, c'était donc ces politiques qui, en France et aux États-Unis, c'était mes deux terrains, essaient de prendre en charge les risques d'une nouvelle biotechnologie, d'une biotechnologie émergente, comme on dit. Et il y a un phénomène qui m'a particulièrement intéressée et qui se passait dans les deux cas, donc des deux bords de l'Atlantique, c'est que les autorités publiques revendiquaient toute une démarche de précaution et l'idée qu'elles allaient s'occuper des risques de cette biotechnologie en amont. Alors en amont, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va s'occuper des risques avant de développer les produits, avant de développer les applications, que ces applications soient semences, médicaments, agrocarburants, etc. C'est un peu comme si on cherchait à prévenir les méfaits de ces techniques, méfaits déjà escomptés, avant même qu'elles n'aient été développées. Et j'ai donc enquêté sur ces différents dispositifs mis en place pour gérer les risques posés par une biotechnologie émergente. Et j'ai essayé de montrer dans ma thèse que cette volonté de prendre en charge des risques, elle résonnait avec une sorte de gouvernement des technologies en amont qui essaierait, à la fois tout en s'aventurant plus loin dans la démiurgie technique et le faire technicien, qui essaierait de contrôler les risques, s'assurer parfois même du caractère démocratique et partagé de l'innovation. Et c'est cette ambiguïté, cette profonde ambiguïté qu'à mon sens la biologie synthétique illustre. Je crois donc que cette technoscience témoigne de nouvelles formes de désinhibition par lesquels les détenteurs du pouvoir de décision reconduisent notre modèle de développement technique sans le remettre en question. Ma présentation va donc porter sur ces relations entre technosciences et politique. Je vais organiser mon propos en deux temps. Dans un premier temps, je vais présenter quelques applications de biologie synthétique en m'attardant à la fois sur ce qui se passe aux États-Unis et sur ce qui se passe en France. Puis dans un deuxième temps, je parlerai de contestation, de critique des mouvements sociaux qui essayent de perturber le développement de cette technoscience parce qu'il me semble important d'illustrer les luttes qui, même sur ces technologies émergentes, même sur des choses qui se passent dans les laboratoires, osent s'affronter à ces technologies. Alors, commençons par le commencement. Ce qu'on nomme biologie synthétique, c'est une sorte de millefeuille de techniques et de projets qui partagent une ambition, celle de créer des micro-organismes, donc des virus, des levures, des champignons, des bactéries évidemment, des micro-organismes qui n'existent pas dans la nature, cela pour des fins industrielles. Cette ambition, elle se distingue du génie génétique par l'ampleur systématique de son projet. En gros, les tenants de la biologie synthétique reprochent aux biologistes moléculaires, aux ingénieurs généticiens, de bricoler leur construction génétique. Alors que ce que veut faire la biologie synthétique, c'est un système d'intervention qui soit plus standardisé, plus systématique. Pour cela, la biologie synthétique importe les techniques et les savoirs des sciences de l'ingénieur et utilise tout un ensemble d'outils bioinformatiques pour rendre ces modifications génétiques plus faciles et moins coûteuses. Donc, cette discipline scientifique, elle se développe à la fin des années 90 aux États-Unis. Elle s'est ensuite développée dans d'autres centres technoscientifiques mondiaux, notamment en Europe et en Asie. Si on regarde du côté des financements, on voit que l'Union européenne a commencé à développer des programmes de soutien à la recherche dès 2005 et que la recherche qui est faite dans les labos européens profite de près de 40 millions d'euros entre 2005 et 2007. Ces montants ne sont rien par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Entre 2005 et 2010, aux États-Unis, donc via diverses agences de recherche, la biologie synthétique va profiter approximativement de 430 millions de dollars. Je n'ai pas les chiffres pour les années plus récentes, mais je sais que la DARPA, donc l'agence de recherche militaire américaine, je reviendrai sur son rôle, a investi 140 millions de dollars sur les deux années 2011-2012, ce qui suggère que les soutiens financiers vont plutôt en s'accélérant. Alors, je vais commencer par parler des États-Unis. Je passerai par la France après. Et pour comprendre et pour clarifier un peu ce qui se passe aux États-Unis, je propose de distinguer deux grandes approches de biologie synthétique. Une que j'appelle le programme technicien et une qui s'apparente plutôt à un programme industriel. Et je vais donc commencer par l'ambition technicienne en biologie synthétique. J'appelle programme technicien l'ensemble des recherches qui visent à rationaliser et à standardiser les techniques du génie génétique pour les rendre, comme je l'ai dit plus tôt, plus efficaces, plus rapides et moins coûteuses. Les chercheurs qui sont réunis sous cette bannière et sous cette ambition, ça ne les intéresse pas vraiment de faire des start-up ou d'intégrer les labos industriels, etc. Ces chercheurs, ce sont avant tout des ingénieurs dont le mantra se résume en une formule que je vais vous donner en version originale. « Make biology easier to engineer », formule qu'on peut traduire par « soumettre le biologique à l'ingénierie ». Il faut rendre la biologie plus facilement ingénierisable, si vous m'autorisez ce barbarisme. Cette ambition technicienne, elle a deux logiques motrices. La première, c'est le soutien de l'agence de recherche militaire dont j'ai évoqué, qui s'appelle la DARPA. Et la seconde, autre ambiance, c'est une compétition étudiante qui popularise et qui rend public cette acception technicienne de la biologie synthétique. Alors, commençons par le patronage militaire de la biologie synthétique aux États-Unis. Ce patronage, il est donc mené par cette agence qui s'appelle la DARPA, pour Defense Advanced Research Project Agency, qui a tenu un rôle à un deux niveaux dans le développement de la biologie synthétique. Alors, à un premier niveau, je l'ai un peu évoqué, le soutien financier. L'agence militaire a soutenu financièrement la biologie synthétique depuis ses premiers développements, mais elle n'a pas fait que soutenir matériellement en donnant de l'argent, elle a aussi organisé une culture de la recherche, elle a mis en réseau des labos qui ne se connaissaient pas, elle a créé une communauté là où il n'y avait pas de communauté avant. Et à un second niveau, on peut dire que la DARPA, c'est aussi l'institution américaine qui était la plus sensible aux ambitions très ingénieure et très technicienne de ce programme-là, cela sûrement bien plus qu'aux promesses d'applications concrètes. Rappelons que la DARPA, elle a été créée en 1958 en réaction au lancement du satellite Sputnik par l'Union soviétique. Elle s'appelle d'abord ARPA et elle devient DARPA en 1972. Cette agence, qui est une agence de recherche militaire, repose sur un modèle d'innovation bien particulier. Le modèle DARPA, c'est d'encourager les technologies à haut risque à haut risque, ça veut dire dont on n'est pas sûr qu'elles apporteront des résultats. Donc on finance une recherche dont on n'est pas sûr qu'elle rapportera un résultat, avec l'idée que comme ça, on arrivera à créer des systèmes qui créent un avantage révolutionnaire pour les forces armées américaines. Et je crois que c'est à la fois parce que la DARPA finance des projets à risque et à la fois parce qu'elle est intéressée par les systèmes et les innovations techniques, qu'elle a pris au sérieux et a soutenu les ambitions qui visent à faire du biologique un système technique. Alors, il y a toutefois une promesse qui a été particulièrement attrayante pour la DARPA, c'est la promesse de convergence entre biotechnologie et techniques numériques et informatiques. Parce que la majorité des projets de biologie synthétique qui ont été directement financés par l'agence sont des projets qui essayaient de combiner génétique et informatique. Par exemple, les travaux qui cherchent à utiliser l'ADN comme un espace de stockage, de la même façon qu'on utilise aujourd'hui le silicium ou des matériaux inorganiques comme espace de stockage. Alors, si j'insiste sur le rôle de la DARPA, c'est pour rappeler le rôle des militaires dans le développement technique contemporain. Ça n'est pas un rôle qui s'est arrêté avec la guerre froide, ces acteurs-là sont encore très présents. Et je pense qu'ils doivent nous préoccuper au regard pour deux raisons au moins. La première, c'est évidemment sur les questions d'armement biologique, parce que c'est sûr que de telles recherches sont menées. Pour des raisons qui sont parfois surprenantes, je peux vous dire que dans le cas de la biologie synthétique, c'est l'Office of Naval Research, donc l'Institut de recherche qui est rattaché à la marine. Donc l'Office of Naval Research a fait un appel à projet pour développer des armes qui auraient des meilleures conséquences écologiques, ce par quoi on entend qu'elles seraient moins polluantes quand elles pollueraient pas les sols là où elles seraient utilisées. Donc c'est aussi à ça que ça sert la biologie synthétique. Mais c'est pas l'aspect. Enfin, je pense qu'il faut être aussi attentif à un autre aspect, qui est la façon dont les militaires sont devenus un point de passage obligé dans le développement technologique contemporain. C'est quelque chose qui a été dit par un chercheur britannique qui s'appelle Mackenzie, qui est que l'effet des budgets militaires, qui sont toujours importants, il ne se mesure ni sur le niveau de sécurité des États-Unis, ce serait connu, ni même sur la production d'armes traditionnelles, mais bien sur la production de sciences et de technologies de pointe qui servent à la production d'équipements militaires nouveaux comme à l'innovation dans l'industrie civile. L'équipement technologique et la supériorité qu'il confère aux États-Unis sert en effet tant à la guerre militaire qu'à la guerre économique. Et la DARPA, c'est aussi ça qu'elle finance. Alors, on change d'ambiance et de décor pour parler de la compétition iGEM. Donc iGEM, IGEM, pour International Genetically Engineered Machine Competition, qui est donc un autre espace où se développe le programme technicien de la biologie synthétique. L'iGEM, c'est une compétition qui s'adresse à de très jeunes étudiants et étudiantes, niveau licence ou master, donc ils ont en gros 20-25 ans, qui est organisée annuellement par une structure qui est attachée au Massachusetts Institute of Technology, qui est également nommée le MIT et qui est la plus importante école d'ingénieurs états-unienne. Alors, depuis l'année de sa création en 2004, l'iGEM revendique avoir réuni plus de 18 000 participants et participantes au sein de sa compétition. Et pour vous donner une idée, en 2014, il y a eu 2 300 étudiants qui ont participé à iGEM, venant de près d'une trentaine de pays. Ces étudiants, et c'est la façon dont se passe la compétition, ils sont réunis en équipes qui sont rattachées à des universités, et ils consacrent leur été à réaliser un projet de biologie synthétique qu'ils vont présenter au MIT à l'automne. Les équipes, elles sont encouragées à choisir un projet porteur de promesses, et on leur demande même de s'inscrire dans des sous-catégories de la compétition qui font explicitement référence à des domaines d'application industrielle. Je vous donne quelques exemples. Il y a la sous-catégorie énergie, alimentation et nutrition, santé, médecine, application environnementale, etc. L'une des règles du jeu d'iGEM, c'est l'emploi et la production de briques biologiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces briques biologiques? Ce sont des brins d'ADN qui sont normés, standardisés et censés être fonctionnels et assemblables de façon à être articulés les uns avec les autres. Les briques biologiques, elles sont souvent comparées à des Lego. C'est plus facile pour comprendre la façon dont ça marche. Pour vous donner une image, on peut dire, par exemple, qu'on va construire la première brique, ça va être la fonction reconnaître la présence de telle substance dans mon environnement. La brique B, ça va être produire telle molécule. La brique C, ça va être changer de couleur ou devenir fluorescente. Et l'idée derrière ces briques, c'est que en articulant la brique A, la brique B, la brique C dans le génome d'une colonie de bactéries, on va pouvoir avoir cette colonie de bactéries qui, lorsqu'elle est dans un environnement donné, reconnaît une substance, émet telle molécule et devient fluorescente. Et comme ça, on a construit un système biologique. Et donc, vous comprenez que cette pensée par brique, elle est extrêmement réductionniste dans le sens où elle se préoccupe que des gènes, dont on considère qu'ils ne correspondent qu'à des fonctions, et que le vivant, c'est en quelque sorte une série de fonctions mises en briques. Cette conception des briques, elle est absolument centrale au programme technicien qui essaye de... Enfin, c'est comme ça qu'est conçue l'ingénierie biologique. Les projets de l'IGEM sont portés par de très très jeunes étudiants. Cette compétition a très vite permis à la biologie synthétique d'être associée à une image cool, fun, prometteuse, etc. Et je crois que le rôle des étudiants, il est absolument central dans cette affaire parce que le temps d'un été, tous ces étudiants deviennent des petits ambassadeurs et des petites ambassadrices de la biologie synthétique dans leur ville, dans leurs universités, ils participent aux fêtes de la science, ils font plein de choses qui leur donnent une grande visibilité et qui, avec eux, donnent une grande visibilité à la biologie synthétique. Cette image, elle est aussi due aux projets qui sont présentés dans le concours par les étudiants. Et si je donne un exemple local, l'école INSA Toulouse, qui est représentée à la compétition iGEM depuis plusieurs années, elle a développé l'année dernière un projet qui proposait de venir à bout de l'épidémie de chancre coloré qui attaque les platanes du canal du Midi. Et donc, les étudiants de l'équipe toulousaine, ils ont proposé de modifier génétiquement la bactérie qui s'appelle Bacillus subtilis pour permettre à l'arbre de se défendre contre le chancre coloré. L'idée, c'est de ne plus avoir recours à des traitements fongicides, mais d'inscrire le fongicide dans le métabolisme de l'arbre afin de lui permettre de se défendre. Alors, le développement et la relâche d'un tel OGM, parce que c'est ce que c'est, est absolument interdite par la réglementation actuelle, mais ça n'a pas empêché le projet des platanes du Midi de profiter d'une couverture de presse assez importante, d'être popularisé à l'échelle locale, comme l'emblème de ce que pourrait faire la biologie synthétique demain. C'est un peu l'idéal de l'application qui serait suffisamment simple pour être développée par une jeune équipe d'étudiants novices et qui en même temps permettrait de sauver le monde ou au moins les platanes du canal du Midi. Pour vous donner d'autres exemples, il y avait 7 équipes cette année-là qui participaient à la compétition. L'équipe de l'université Aix-Marseille proposait l'ingénierie d'une bactérie pour augmenter la dégradation des chewing-gums qui sont collés par terre parce que ces chewing-gums menacent les oiseaux qui s'étouffent en les avalant. L'équipe de Bordeaux proposait de traiter le mildiou avec une alternative biotechnologique à la bouillie bordelaise. Au Génopole d'Evry, le projet, c'était un médicament qui pourrait jouer sur les réactions du système immunitaire humain. Et à Paris, dans l'équipe qui est financée par la fondation Liliane Bettencourt, le projet, c'était une technique d'enrichissement nutritionnel des aliments à destination des pays du Sud. Donc rien que si on prend les projets développés en France, on tombe sur dépollution, agriculture, santé, enrichissement nutritionnel. Ça nous montre l'étendue de la palette des promesses de la biologie synthétique. Alors, il faut bien avoir à l'esprit qu'aucun de ces projets n'est réalisé à la fin de l'été. Mais cela n'empêche pas que des contributions techniques soient faites. Les briques biologiques que les étudiants parviennent à produire sont collectées et rejoignent les frigos du MIT qui disposent aujourd'hui près de 20 000 briques biologiques différentes. De plus, tous les étudiants et les étudiantes repartent chez elles et chez eux avec cet éthos d'ingénieur, quelque chose de très important dans leur formation identitaire et professionnelle. iGEM n'est pas une formation comme les autres. La compétition les rend en quelque sorte militants de la biologie synthétique, car ils et elles ont tous contribué, le temps d'un été, à make biology easier to engineer. Je m'arrête là sur l'approche technicienne de cette technoscience et je vais vous parler un peu de la biologie synthétique industrielle. Alors, ce que j'appelle programme industriel, c'est l'ensemble de projets, d'acteurs et d'institutions qui sont, eux, centrés et intéressés par les applications de la biologie synthétique. Ce programme, c'est pour ça qu'il se distingue des approches techniciennes, c'est que ces acteurs-là, ils en ont peu à faire de la standardisation, les réalisations techniques, de soumettre le biologique à l'ingénierie. Ils s'en fichent un peu des standards techniques, des briques, etc. Ce qu'ils veulent, c'est créer de nouveaux marchés et de nouvelles applications. Alors, aux États-Unis, la façon dont ça s'est passé, c'est que c'est vraiment la question des énergies post-pétrole qui a attiré ces intérêts-là et qui a constitué un objet de recherche ultra privilégié pour les chercheurs en biologie synthétique intéressés par ces applications industrielles. C'est un peu à l'image et un peu symétrique de ce qui s'est passé avec la DARPA et les techniciens, mais les acteurs du programme industriel se sont beaucoup rapprochés du ministère de l'énergie qui essayait de développer des programmes de recherche pour développer des technologies post-pétrole et a beaucoup financé les biotechnologies à cause de ça. Ainsi, dès ses premiers développements, la biologie synthétique s'est associée à l'agenda énergétique états-unien et symétriquement, la question des énergies est devenue un objet de recherche privilégié, ce qui est perceptible aujourd'hui par la surreprésentation de la question des carburants dans les papiers de recherche en biologie synthétique. À côté des carburants, les promesses sur le terrain de la santé ont également eu très bonne presse. Je vais vous présenter le cas du travail d'Amiris, une start-up californienne qui a été fondée en 2003 et qui est à l'origine d'un traitement antipaludique qui est rapidement devenu un emblème des promesses de la biologie synthétique. Alors, en 2005, la start-up Amiris remportait une subvention de 12,5 millions de dollars par la fondation Bill Gates pour développer son projet d'artémisinine semi-synthétique. L'artémisinine, c'est la molécule qui est à la base du traitement contre la malaria. La start-up Amiris est parvenue à faire l'ingénierie d'une levure pour produire cet acide artémisinique. Il faut savoir que cet acide, il est traditionnellement produit par la culture d'un arbre qui s'appelle l'Artemisia annua et qui fait l'objet d'une activité agricole dans les pays du Sud. Le projet de la start-up, c'était donc d'offrir une ressource concurrente à ce que produisaient les paysans. Pour produire cette substance, ce qu'a fait Amiris, c'est d'utiliser les techniques de l'ingénierie biochimique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie biochimique? C'est un ensemble de procédés qui consiste à modifier le génome des levures pour créer une réaction chimique en chaîne. L'idée, c'est de construire un chemin de cause et d'effet dans le système d'absorption de l'énergie de la bactérie pour lui faire produire à la fin une substance d'intérêt industriel. Le génie biochimique, ça s'approche beaucoup des techniques de la fermentation. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a modifié le génome de la bactérie, on le met dans des grands de la levure, on les met dans des grands fermenteurs à qui on donne du sucre à ces levures et elles produisent la substance que vous voulez. Ça, c'est sur le papier. Cette technique d'ingénierie biochimique, elle a beaucoup intéressé l'industrie chimique parce que c'est une industrie qui cherche alors soit à trouver des sources alternatives au pétrole pour produire des matériaux pour lesquels on a besoin de pétrole. Mais c'est aussi l'idée qu'on pourrait utiliser ces techniques-là pour produire moins cher des choses qu'on sait déjà produire aujourd'hui, mais avec de la chimie de synthèse qui est beaucoup plus chère. Si on traverse l'Atlantique et qu'on revient en France, on va voir que la biologie synthétique se développe de manière radicalement différente. Alors, en France, c'est beaucoup plus frileux. Et la cause de cette frilosité dans le développement de cette biotechnologie, c'est la peur des pouvoirs publics de voir cette technique contestée, comme le furent avant elle, les OGM, mais aussi le nucléaire ou les nanotechnologies. Les pouvoirs publics ont donc beaucoup freiné à un financement dans la recherche qui soit directement étiqueté biologie synthétique. Et les chercheurs et les premiers réseaux de recherche se sont surtout développés grâce à des financements européens. Alors, on peut toutefois identifier deux centres de recherche publics-privés qui sont vraiment porteurs de la biologie synthétique en France. Le Génopôle, qui est situé en banlieue parisienne, à Évry, et Toulouse White Biotechnology, qui est donc situé à Toulouse. Ces deux centres accueillent des laboratoires publics, des start-up et des partenariats avec de grands acteurs industriels, Roquette, Total, Sanofi, etc. Il serait donc faux de croire que, il n'y a pas de biologie synthétique qui se développe en France. Je crois qu'en fait, les financements publics sautent la case recherche pour aller directement à la case industrie. Et c'est effectivement les programmes de financement de la recherche à finalité industrielle qui nourrissent et qui donnent des ressources à la biologie synthétique. Par exemple, les programmes d'investissement d'avenir, mais aussi la structure de financement public de l'innovation qui s'appelle OSEO, ou encore les régions qui financent elles aussi la recherche industrielle et l'innovation sur les territoires. Donc on a cette espèce de morcellement des sources financières. Morcellement auquel s'ajoute la dilution de la biologie synthétique dans des approches biotechnologiques bien plus vastes. Que ce soit au Génopôle d'Évry ou à Toulouse White Biotechnology, vous ne trouverez pas une institution qui fait que de la biologie synthétique. Les industriels utilisent ce qui marche, ce qui fonctionne, et combinent souvent différentes techniques, si bien qu'on aura beaucoup moins cet effet d'affichage que ce que font les chercheurs. On a donc trois caractéristiques: faible institutionnalisation des recherches, morcellement financier et dilution technique, qui contribuent à une invisibilité de la biologie synthétique en France. Cette invisibilité, elle est assez paradoxale parce qu'en même temps, le ministère de la Recherche a été très précocement à l'origine d'un processus dit participatif visant à mettre la biologie synthétique en débat science-société. Je vais revenir là-dessus par la suite, mais gardez en tête ce paradoxe très intéressant qui veut qu'on fabrique un débat tout en disant qu'on est en amont des recherches, alors que ce sont les investigations les plus industrielles qui sont soutenues, mais que ce soutien cherche aussi à les maintenir un peu cachées. Et aujourd'hui, on a une cartographie des recherches qui est au final assez périlleuse. Pour le dire autrement, on est face à une certaine invisibilité du développement technique et un surinvestissement politique de la participation. J'y reviendrai. Alors, pour aller un peu à l'encontre de cette invisibilité, j'ai voulu vous parler d'une application précise qui est développée en France et qui est notamment développée à Toulouse. Cette application, c'est un procédé biotechnologique qui est développé pour produire quelque chose qui s'appelle de la méthionine. Alors, la méthionine, c'est un acide aminé soufré qui est indispensable à la synthèse des protéines. La méthionine, elle est naturellement produite par les plantes et certains micro-organismes qui la synthétisent, mais à partir des années 50, elle a commencé à être développée par la chimie industrielle, notamment parce qu'elle est utile dans les procédés d'alimentation animale, notamment pour la volaille et le porc. Aujourd'hui, la méthionine est utilisée massivement dans des élevages intensifs car elle accélère considérablement la croissance du bétail. Je vous cite les propos de Georges Frémy, qui est lauréat du prix de l'ingénieur de l'année 2013 pour ses travaux sur la méthionine et chercheur au sein d'Arkema, qui disait donc, je cite, c'est très efficace sur la volaille. Introduit dans sa nourriture, cela permet à un poulet d'arriver à un poids adulte au bout de 47 jours au lieu de 120 ou 130 jours normalement. La méthionine, c'est donc une application destinée à l'élevage productiviste. Son usage est interdit dans l'agriculture biologique et d'ailleurs, il ne concerne vraiment même pas les pays du Nord, mais plutôt les gros marchés sont plutôt l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est qui ont fortement développé l'élevage hors sol. Donc, la méthionine industrielle, elle est aujourd'hui produite par la chimie de synthèse, mais plusieurs projets de biologie synthétique cherchent à s'installer sur ce marché. S'installer sur ce marché, ça veut dire ne pas changer le produit, ça veut dire juste changer le procédé et développer de nouveaux brevets. Parmi ces industries qui développent de la méthionine via la biologie synthétique, on a donc deux entreprises françaises, toutes les deux situées à Toulouse. Adisseo, c'est la première entreprise, et la seconde, c'est Metabolic Explorer. Adisseo émane de Rhône-Poulenc Alimentation Animale, actuelle Sanofi, et Metabolic Explorer est une start-up dont le personnel provient pour partie de chez DuPont, qui est aussi une grosse multinationale de la chimie. Ces deux projets sont au stade de la conception. Il n'y a pas encore de marché totalement structuré, mais ils font partie des applications industrielles les plus avancées qui sont développées en France aujourd'hui. Alors, je vais m'arrêter là sur la question des présentations des projets de recherche. Je vais vous parler un peu des critiques. Mais si j'essaye de synthétiser un peu ce que je viens de dire, je crois qu'il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister. Cette chose, c'est la tension entre des ambitions techniques et des promesses extrêmement élevées et le chemin pris par les réalisations industrielles. Les promesses que les acteurs et les actrices industrielles mettent en avant concernent les applications que la biologie synthétique pourrait produire, comme des agrocarburants, de nouveaux médicaments, des traitements pour les arbres, des techniques de dépollution. On entend aussi parler souvent des promesses du programme technicien concernant la révolution technologique qui pourrait advenir avec la standardisation de l'ingénierie génétique, avec le vivant comme un jeu de Lego, jeu auquel on pourrait, grâce auquel on pourrait construire ce qu'on veut. Ce tableau prometteur, il est très loin de la réalité des applications de la biologie synthétique, comme ce que je suggère le cas de la méthionine. On est alors très très loin des projets iGEM qui veulent sauver le monde. La méthionine, c'est une innovation technique qui permet de gaver des volailles plus vite. Et c'est ça la biologie synthétique aussi. C'est de l'industrie du vivant pour de l'industrie du vivant. Notons enfin que ces réalisations industrielles, elles procèdent souvent de techniques qui existent déjà et qui existent ailleurs. Donc le génie génétique, la fermentation, elles puisent dans toutes ces boîtes à outils-là. Et on comprend que les applications de biologie synthétique qui sont le plus rapidement développées, c'est celles qui se combinent aux biotechnologies classiques. Aux États-Unis comme en France, le développement de cette technologie n'est toutefois pas un long fleuve tranquille. La contestation de la biologie synthétique existe et je voulais vous en parler un petit peu. Je vais d'abord vous parler de ce qui se passe aux États-Unis autour d'un groupe dont je vous encourage de lire les publications. C'est un groupe qui s'appelle ETC Group, qui est une organisation qui a la forme d'un watchdog. Un watchdog, c'est un groupe qui fait un travail de suivi critique du développement des technologies émergentes. Alors, ETC Group est proche des mouvements paysans, notamment de la Via Campesina, et l'objet de leur campagne, c'est très souvent de montrer comment les milieux paysans sont affectés par le développement technologique. L'une des campagnes d'ETC a été consacrée à la start-up Amyris dont je vous ai parlé juste avant. Et ETC, c'est cet acteur-là qui a lancé l'alarme de la concurrence entre production agricole d'artémisinine et production biotechnologique. ETC a montré comment la start-up menaçait de déposséder près de 100 000 petits paysans de Chine et de pays africains en s'appropriant le marché d'une matière première qui est aujourd'hui principalement obtenue par l'agriculture. Ce qu'a également dénoncé ETC, c'est l'instrumentation de l'artémisinine par la start-up comme un cheval de Troie pour masquer un autre agenda. Derrière les financements philanthropiques et les causes humanitaires comme la lutte contre la malaria, ça a été très mobilisé par la start-up pour faire de la communication, etc. Ce qu'Amyris veut surtout, c'est développer un procédé de production d'agrocarburants. ETC Group a en quelque sorte déconstruit le Graal des applications médicales pour montrer que derrière les médicaments, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en effet, ce que montre ETC, c'est que les levures développées par Amyris, elles ont une particularité, c'est qu'elles ne produisent pas seulement la molécule pour fabriquer ce médicament contre la malaria, mais elles permettent de produire une classe beaucoup plus large et plus vaste de molécules qui s'appelle l'isoprénoïde et qui est en fait, c'est une famille d'hydrocarbures qui sont dans la famille de ceux dont on a besoin pour fabriquer des agrocarburants. Et donc en fait, ce qu'a fait la start-up, c'est qu'elle a profité de l'argent philanthropique pour développer ce procédé qui lui est ensuite utile pour développer des biocarburants. Ce qu'a montré ETC aussi, c'est que pour produire ces carburants, et pour en produire en masse suffisamment importante pour pouvoir en mettre dans des voitures, dans des camions, dans des avions, il faut nourrir les levures en question. Et le procédé technique développé par Amyris, il a donc besoin d'une immense quantité de sucre, excusez-moi, sucre que la start-up produit au Brésil dans de grandes plantations de canne à sucre. Et Amyris, en fait, il ne faut pas s'imaginer un petit laboratoire californien. C'est une pyramide qui a des locaux donc au Brésil, qui a une usine de fermentation au Brésil, localisée juste à côté des plantations, et qui a une succursale aux États-Unis qui est en charge de la distribution du fioul. La mobilisation de TC, elle a ainsi rendu visible l'économie de la biologie synthétique, qui est une économie mondialisée, basée sur la biomasse, le sucre et l'exploitation intensive des terres agricoles par la monoculture. Il s'agissait donc pour ETC de montrer que les start-up et les laboratoires ne sont pas en amont des logiques productivistes, mais qu'elles s'y inscrivent pleinement. En France, le front de la mobilisation a été assez différent et il s'est développé autour des questions touchant à la démocratie et au débat public. De notre côté de l'Atlantique, je l'ai suggéré, c'est ce qui préoccupait les pouvoirs publics, c'est vraiment les controverses et notamment les suites des mobilisations qu'il y avait eu autour des OGM et du nucléaire. Ces préoccupations, elles se sont cristallisées dans la fin des années 90 et début des années 2000, au moment fort de la controverse OGM, et elles ont donné lieu à un tournant participatif dans les manières de faire des institutions. À ce moment-là, les mouvements critiques ont été réétiquetés dans les espaces du pouvoir, et on a commencé à parler de relations science-société, qui serait désastreuse et qui réclamerait des dispositifs de dialogue science-société. Ces dispositifs dialogiques, ils se mettent en place en France au cours des années 2000. Par exemple, on va organiser une conférence de citoyens sur les OGM. Par exemple, on va faire des débats publics d'ampleur nationale autour des nanotechnologies ou autour de l'enfouissement des déchets nucléaires. C'est ça, les dispositifs dialogiques science-société. L'idée qui préside à la multiplication de ces initiatives, c'est que le débat permettra d'apaiser les conflits et les contestations. Cette logique, on la retrouve aussi autour de la biologie synthétique. Et Geneviève Fiorazzo, dans un rapport qu'elle avait consacré à cette technologie pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, l'OPEXT, Geneviève Fiorazzo donc, rappelait qu'en amont, je cite, « le débat public sera plus serein que ceux sur le nucléaire civil, les OGM et les nanotechnologies. Un débat serein, c'est-à-dire plus efficace pour gérer les critiques. » Ce débat public en amont, il a été organisé par une institution qui a été créée pour cela, pour la biologie synthétique, qui s'appelle l'Observatoire de la biologie de synthèse. Cet observatoire, il a été financé par le ministère de la Recherche, accueilli par le Conservatoire national des arts et métiers à Paris, et a réuni les acteurs et les actrices maintenant classiques de la participation, les parties prenantes scientifiques, industrielles, administratives, les ONG, les chercheurs en sciences sociales, etc. J'ai suivi les travaux de cet observatoire pendant plus d'un an et j'ai regardé ces acteurs réunis pour construire un forum de la biologie synthétique. Forum qui a vu sa première séance de débat, organisée en avril 2016, perturbée par un groupe de chimpanzés du futur qui se sont invités dans le débat pour empêcher sa tenue et critiquer sa démarche d'acceptabilité. Cet événement, il se déroulait à une échelle très locale, mais il a pris de l'ampleur grâce à un contexte plus général. Parce que cette année-là, en 2013, c'était aussi d'autres militants, des antinucléaires cette fois-ci, qui perturbaient systématiquement les débats sur l'enfouissement des déchets nucléaires programmés sur le site de stockage de Cigéo, situé à Bure dans la Meuse. Les échos entre ces deux mouvements de contestation ont permis de faire un parallèle entre grands projets inutiles et imposés et petites technologies émergentes, un pont qui a été rendu possible par la critique conjointe de leur mise en débat. Suite à la perturbation du Forum de la biologie de synthèse par les chimpanzés, en décembre 2013, une mission interministérielle qui réunissait les ministères de l'économie, de la défense, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'environnement a émis un rapport pour insister et rappeler qu'il fallait absolument développer la biologie de synthèse en France en couple avec les nanotechnologies. Ce rapport interministériel, j'étais assez étonnée que, en plus, à ce moment-là, quelques mois après les perturbations des débats, c'est le premier rapport, à ma connaissance, en France, public, qui explicite une feuille de route militaire pour les développements de la biologie synthétique, et notamment le développement d'une filière destinée à produire des armes, quand bien même le rapport note que ce serait en désaccord avec les exigences de la Convention internationale d'interdiction des armes biologiques. Si je parle de ça, c'est qu'on comprend que ni les débats ni leurs perturbations ne perturbent ce type d'agenda. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette mission interministérielle, elle note toutefois que pour développer la biologie synthétique, je cite, la création d'un consensus social, même limité, s'avère nécessaire. Après la perturbation des débats publics, la mission ne préconise plus un grand débat national, mais au contraire, l'investissement continu dans, je cite toujours, la culture scientifique, technique, industrielle des populations. Quand les débats publics se passent mal, les autorités n'ont pas trop de difficultés à transformer leurs justifications, et ça de tout au tout. On était au début, dans la création, quand ils ont créé l'Observatoire de la biologie de synthèse, dans tout un paradigme science-société, et le rapport encourage maintenant les chercheurs, les chercheuses et les institutions à faire un lien plus explicite entre sciences techniques et industrie-emploi. De même, on encourage à arrêter l'organisation des débats, mais plutôt à faire des fêtes de la science et des fêtes de l'industrie. Depuis ces recommandations fin 2013, il n'est plus question de démocratie technique pour la biologie synthétique. On voit la fragilité qu'avait cette ambition démocratique. Je m'arrête là-dessus. J'espère que ça allait pour vous. C'était donc Sarah Angeli Aguiton qui nous parlait de la biologie de synthèse et de des petites magouilles politiques industrielles qu'il y a autour de tout ça. Quelques petites précisions. Sarah Angeli Aguiton ne parle pas encore des nouveaux OGM puisque c'est une conférence qui a été enregistrée en octobre 2015, mais ce sera l'occasion d'autres émissions de toute façon. Elle évoque les chimpanzés du futur, le forum de la biologie de synthèse qui est organisé par le CNAM, Centre National des Arts et Métiers, qui a été perturbé donc par les chimpanzés du futur en avril 2013. En fait, c'est le groupe PMO, pièces et main d'œuvre de Grenoble, qui a initié cette perturbation. Et voilà, les chimpanzés du futur, c'est en référence à une déclaration d'un cybernéticien qui s'appelle Kevin Warwick, avec deux W. Ce Warwick en question, c'est un chercheur cybernéticien qui s'est fait implanter une puce électronique dans le bras pour essayer, soi-disant, de relier ça à des ordinateurs, voire même prétend-il faire de la télépathie avec une autre personne qui aurait les mêmes puces, etc. En tout cas, ce personnage est un promoteur du transhumanisme, ou en tout cas de l'homme augmenté, c'est-à-dire une espèce de fusion entre l'homme et la machine. Et ce chercheur en cybernétique a déclaré, ça remonte à en 2002, il a déclaré, là je vous cite, « Il y aura des gens implantés, hybridés, et ceux-ci domineront le monde. Les autres, qui ne le seront pas, ne seront pas plus utiles que nos vaches actuelles gardées au pré. » Deuxième citation, « Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. » Le groupe PMO, pièces et main d'œuvre de Grenoble, qui s'est réclamé de cette appellation pour perturber donc ce forum de la biologie de synthèse. Si vous voulez voir l'intervention de ces chimpanzés du futur, eh bien vous pouvez taper sur votre moteur de recherche favori « La révolte des chimpanzés du futur » et vous trouverez une vidéo sur le site Vimeo qui retrace cette brillante action. Vous pourrez lire aussi la déclaration qu'ils ont faite à cette occasion. C'est l'appel des chimpanzés du futur, c'est 2 pages. C'est assez réjouissant aussi à lire. Ce forum de la biologie de synthèse, auquel assistait un certain François Kepes, qui est lui-même ingénieur généticien et qui, dans un article de Pour la science de 2014, se faisait le chantre de la rationalisation des machines vivantes. Voilà, j'ai réalisé un petit commentaire, enfin même un gros commentaire de cet article, l'article de ce monsieur François Kepes, donc. Si vous voulez le lire, vous pouvez demander à Radio Zinzine de vous l'envoyer, François Kepes, rationalisation des machines vivantes. C'est à prix libre, évidemment. Ça donne un peu une idée de l'idéologie et de la conception du vivant que la biologie de synthèse promeut, c'est-à-dire en gros l'idée que les êtres vivants ne sont que des espèces de machines ordinateurs qui interprètent le programme génétique qui serait codé dans l'ADN. À propos de BioBricks, d'ailleurs, puisque c'est la fabrication de ces BioBricks qui sont en jeu dans le concours IGEM, je ne sais plus où j'ai lu ça, j'ai pas réussi à retrouver la référence, mais à ce qui paraît, sur environ 14 à 15 000 BioBricks qui ont été mis au point dans ces concours IGEM et ailleurs, il y en aurait tout au plus une dizaine de 10% qui seraient réellement viables. C'est-à-dire qu'en fait, le reste ne fonctionne pas très bien, ou en tout cas pas aussi bien que ses concepteurs l'avaient imaginé. Le vivant réduit à la machine, même quand il s'agit de bactéries, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Voilà, on va terminer cette émission en remerciant l'Université populaire de Toulouse d'avoir mis en ligne cet enregistrement de conférence, puisque c'est à partir de là que j'ai pu faire l'émission. On aura l'occasion de faire une prochaine émission sur justement le transhumanisme et l'homme augmenté avec deux autres spécialistes de la question. Là, nous avions avec Sarah Anguilli-Aguiton une sociologue, et c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui sont à l'intérieur du système universitaire, qui étudient la recherche elle-même. Parce que d'habitude, les sociologues, c'est plutôt le côté, on étudie les populations et ça, essayer de savoir pourquoi elles résistent à l'innovation. On se le demande bien pourquoi, oui, effectivement. Il faut bien que les savants essayent de comprendre les populations pour pouvoir leur faire accepter les innovations qu'ils promeuvent de droite à gauche. Donc voilà, pour une fois qu'il y a des sociologues, vous ou d'autres universitaires qui font le boulot inverse, qui essayent de savoir pourquoi il faudrait innover à tout crin, on ne peut que les féliciter et les encourager. Sur ce, eh bien, à la prochaine. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.